Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est nuisance. Merci à From Jazz to Jazz. Merci à Canal Sud. Incidemment, nous sommes le 18-10-2013, c'est-à-dire le 18 octobre 2013. Il est actuellement 21h13. Vous êtes à l'écoute de Nuisance sur l'antenne de Canal Sud. As I've said already, we are about to die, we are about to fuck each other in the the asses up hell, up the puck. Good god damn it, up my known, holy shit. It's not my holy shit out here. We're all gonna fuck each other. Fuck. Cette pause pour vous dire que Nuisance est une émission brutiste à tendance expression libre sur une radio. Le thème de ce soir sur Nuisance, la liberté, l'onté ou l'on des pattes, la liberté. Disarray. Vous écoutez Canal Sud, la radio, Nuisance, l'émission. Un extrait de Pablo Torres, la contre-insurrection et la guerre révolutionnaire. Pour les mouvements de guérilla, si le but est stratégique et la prise du pouvoir, l'objectif stratégique le plus immédiat, le premier, est la prise du sentier. Ce qui est impossible tant que le pré-contact permanent continue d'être le point de gravité des offensives de la contre-guérilla. La comparaison entre nos forces et celles de l'ennemi explique la nature prolongée de la lutte. La lutte sera à mort entre les forces populaires et les forces de répression. Les Yankees interviendront par solidarité d'intérêt et parce que la lutte en Amérique est décisive. Médicaments. Le sac à dos de chaque guérillero doit contenir 3 ampoules de sérum polyvalent contre les piqûres de serpent, 500 comprimés multivitaminés, un flacon de stimulant cortico-cérébral réactivant, un flacon de coramine en goutte ou en cachet, 6 flacons de pénicilline de 2 millions d'unités chacun, 500 comprimés antidiarrhéiques, entéro-bioform, 20 cm3 d'anesthésiques locaux, xylocaïne, une ampoule de morphine, 2 ampoules de sérum antitétanique, 4 petits flacons de tinaderme, efficace contre les dermatomycoses, 2 ampoules de sérum de 40 000 unités contre la gangrène, un talc à l'acide borique pour les pieds, une bande élastique, 12 onces de merthiolate ou d'iode, un petit rouleau de sparadrap, un petit rouleau de gaz, 40 comprimés 292, aspirine, codéine, 30 cm3 d'eau distillée. Nous avions déjà dit que la préparation et les moyens, ce que Engels appelait la ruse de la raison, l'outil des fronts de guérilla ne peuvent pas s'improviser ni être remplacés par un machisme aventurier, puisqu'une fois les hostilités ouvertes à l'intérieur de l'encerclement stratégique, toute faute grave conditionnera pendant très longtemps le sort des fronts et peut-être l'ennemi ne leur laissera-t-il pas le temps de les surmonter. Par contre, aussitôt que les guérillas réussiront à rétablir le harcèlement, elles s'attaqueront au poste de saturation d'un ennemi devenu craintif, n'osant plus se risquer au dehors. Elles le provoqueront par de simples embuscades de harcèlement pour l'inciter à pénétrer sur le sentier miné. Il suffira alors d'envoyer 3 francs-tireurs, dont 2 munis de viseurs télescopiques avec consigne de descendre à 300 mètres l'officier. Il a des jumelles, des armes très légères, donne des ordres, examine les cartes, etc. De rester camouflé une quinzaine de minutes, puis de tirer encore 2 ou 3 fois, puis de filer. Ainsi harcelé par des francs-tireurs ou par des détachements de guérilleros, la contre-guérilla décidera peut-être, rapiéçage psychologique, d'augmenter les effectifs de ses pelotons, puisqu'elle ne pourra rien modifier du procédé tactique qui la détermine. Après tout, comme l'affirme le commandant Pedro Antonio Marin, alias Tiro Fitro, sur le sentier, il y en a un qui vient toujours devant.

là, j'arrive pas à trouver le... Thank you. bienvenue au sens, émission de toutes les nuisances. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM. Il est 22h, vendredi. Vendredi 18 octobre 2012. 2013, pardon. We'll be right back. C'est des invités. C'est un quartier d'agité. complètement normal ici dans ces moments. Des fragments de tour. Nous cherchons toujours le bagage. Cette recherche du détail est un travail important. Nous encodons tous les objets. Canal Sud. Pas de fumée, pas d'odeur, c'est-à-dire que... 92. Canal Sud. 05. 61. 53. 30. 36. 95. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nous sommes le 18 octobre 2013. Il est actuellement 22h30. Vendredi. Au 40 rue Alfred Duméril. bienvenue ce soir sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Nuisance, Nuisance qui bat son plein jusqu'à pas d'heure, jusqu'au lendemain, jusqu'à sûrement jamais. Allez, Nuisance, et ben ouais, comme d'habitude. D'habitude, oui, Nuisance s'encule soi-même. Pourquoi? Parce que c'est une mission de merde qui s'encule à se faire chier, la merde qui pue du cul, qui colle au doigt quand on va la chercher là-bas ou pas.